Chapitre 12e. Le célèbre détective comprit instantanément la cause du bruit qu'il venait d'entendre. Quelqu'un du dehors avait refermé la grille défendant l'unique porte de la tour. Ikoteruka, abandonnant momentanément son prisonnier, bondit vers l'escalier de pierre qu'il dégringola à toute vitesse. Il arriva devant la grille, juste à temps pour voir un grand gaillard s'éloigner. Le détective examina la grille. Non seulement la serrure en avait été refermée, mais deux épaisses et robustes barres de fer avaient été placées d'un côté à l'autre de la porte et attachées au moyen de chaînes à la grille qui maintenant ne pouvait plus s'ouvrir. Ikoteruka, à l'aide de son passe-partout, tenta en vain de faire fonctionner la serrure. Grâce à un ressort caché, l'inconnu l'avait immobilisé. « C'est sûrement le gardien parsi de la tour qui est venu », pensa avec raison Ikoteruka. Il aura entendu la détonation du revolver de ce maudit hongrois. Et maintenant, il va les prévenir ses coreligionnaires. Si je reste ici, je serai sûrement tué. » Ikoteruka, tout en réfléchissant ainsi, remonta au sommet de la tour. Sa situation était grave, il ne le comprenait que trop. Le gouvernement britannique, en effet, respecte toutes les croyances. Les Parsis savaient fort bien que s'ils massacraient les audacieux qui avaient osé s'introduire dans leur tour, la justice anglaise les acquitterait. Aussi ne se gênerait-il pas. « Il faut absolument que je sois sorti d'ici avant 5 minutes, » se dit le grand détective. Sans plus s'occuper de Martin Sulak, il fit le tour de la vaste plateforme, tandis que les vautours effrayés s'envolaient lourdement sur son passage. Il n'y avait pas d'autre issue que la porte grillée. Pour sortir, un seul moyen restait, sauter. Mais de plus de 12 mètres de hauteur, c'était se tuer, ou au moins se rompre les os. Que faire? Ikoteruka eut tout de suite trouvé. Il s'étendit entre deux cadavres et attendit. Les vautours, rassurés, revinrent bientôt recommencer leur hideux repas. C'était ce qu'espérait le détective japonais. Il écarta brusquement les bras et dans chaque main empoigna la patte d'un vautour. Les deux oiseaux de proie, ainsi pris, se débattirent et tentèrent de crever les yeux de l'homme qui les maintenait. Ikoteruka, baissant la tête, réussit à éviter l'atteinte de leur bec. Il se dressa, et au grand galop bondit vers le rebord de la plateforme et se jeta dans le vide. Les vautours, se sentant tomber, ouvrirent instinctivement leurs ailes qui formèrent un parachute. Ikoteruka prit pied sur le sol assez doucement et lâcha immédiatement les pattes des deux oiseaux qui s'envolèrent sans demander leur reste. Ikoteruka suivit leur exemple, c'est-à-dire qu'il s'éloigna à toutes jambes de la sinistre tour. Malheureusement, le poste de police le plus voisin était encore assez loin. Le détective japonais n'y arriva que 20 minutes plus tard. Il se fit aussitôt connaître à l'officier de garde et demanda qu'on envoyât des hommes pour enlever Martin Sulak. 6 policiers, sous la direction d'un gradé anglais et accompagnés par Ikoteruka, se dirigèrent aussitôt vers la tour du silence. Lorsqu'ils y arrivèrent, la grille avait été débarrassée des chaînes et des barres de fer, elle fut facilement ouverte. Martin Sulak fut retrouvé à l'endroit où le détective japonais l'avait laissé. Seulement, il avait un long poignard planté dans la poitrine et était sans connaissance. Les policiers le soulevèrent et, le plus doucement qu'ils purent, le transportèrent au poste de police où les soins d'un médecin appelé en hâte le ranimèrent. Mais il était perdu et sa mort n'était qu'une question de minutes. Avant d'expirer, il raconta que 4 Parsis avaient fait irruption sur la plateforme de la tour quelques instants seulement après le départ d'Ikoteruka et que l'un d'eux l'avait poignardé. Puis, les Parsis, après avoir vainement fouillé la plateforme, sans doute pour y chercher le détective afin de lui faire subir le même sort, s'étaient éloignés. Martin Sulak avoua que c'était lui qui avait volé les rubis du temple de Dambulla, avec la complicité du boy Tambol, lequel était affilié à la secte des Thug. C'était également Tambol qui avait caché chez son maître Gilcott les fragments de la statue de Siva, afin de faire croire à la culpabilité du malheureux ingénieur, tandis que Sulak dissimulait les rubis dans la tour des Parsis, et c'était Tambol qui avait dénoncé Gilgot Tug. Ainsi tout s'expliquait. Martin Sulak rendit le dernier soupir quelques instants après avoir terminé sa confession. La justice n'eut donc pas à le poursuivre. Les rubis furent replacés dans les orbites de la statue de Siva, et Ikoteruka reçut du gouvernement anglo-indien la récompense de 100 000 roupies qui lui avait été promise. Mais, comme on va le voir, d'autres affaires plus extraordinaires encore l'attendaient. Ainsi s'achève les rubis du temple de Siva. Une enquête du célèbre détective japonais Ikoteruka par José Moselli.